présentement, en fait, qui bat le cœur de la grande ville de Québec depuis quelques années et beaucoup plus dans les derniers mois, c'est ce fameux projet de retour de la Ligue nationale de hockey dans la vieille capitale. Qui fait couler tant d'encre. Oui, et de salive sur les micros, oui. Et qui use beaucoup de pellicules dans les caméras. Écoute, ce dimanche, on a assisté à un grand événement, en fait, qui a galvanisé une foule de Québec, des gens même d'un peu partout. J'ai lu dans les journaux qu'il y avait des gens aussi du centre du Québec, tout ça, qui sont venus assister à la journée. C'était la journée bleue, organisée entre autres par les organismes J'ai ma place, qui travaillent à trouver du financement pour aider la construction d'un nouvel amphithéâtre. Il y a la Nordique Nation aussi. Okay. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi cette journée bleue-là? Ben, la journée bleue, c'était pour montrer, ça a été un appel à la population de Québec, pour montrer leur appui, notre appui, en fait, la région de Québec, au retour des Nordiques, donc, aux constructions d'un amphithéâtre, ouais. / l'entente avec Québecor, / le projet de loi 204. Mm-hmm. C'est très important ce que je viens de faire là parce que c'est le cendre de ma chronique. Eh bien, de s'habiller en bleu. Alors, si on portait du bleu, par exemple, on pouvait aller dans certains commerces qui participaient et jouir de rabais. Exemple, moi qui ignorais cette chose, je savais que c'était la journée bleue, mais je pensais pas qu'on avait des rabais partout. J'arrive pour louer des DVD au Vidéotron Marie l'Incarnation. Et là, on me demande, la demoiselle me demande, est-ce que vous portez du bleu? Je fais, j'ai un jeans. Oh, bravo, monsieur, vous avez le droit à un 2-pour-1 sur une location de film. Vidéotron, n'est-ce pas? On sait à qui ça appartient. C'est à Québécois également. Donc voilà. Sûrement... Excellente réponse, Catherine. Alors, n'est-ce pas? Donc, merci, monsieur Pellado, de m'offrir un 2-pour-1. Mais déjà, votre 3 films, pas nouveautés. Hein. Il y a les nouveautés, il y a les films plus anciens. 3 anciens pour 5,99 sur 7 jours, c'était déjà une excellente offre. Si je prenais faire de la pub à Québécois? Si je prenais la location gratuite, ça me revenait plus cher. Ah. En bout de ligne, que les trois films. En tout cas, c'est plus avantageux de prendre le rabais normal. Bon, ceci dit, je me suis intéressé un peu à ce phénomène-là parce que ça m'intéresse, moi. Je veux dire, quand j'étais petit, les Nordiques, c'était quelque chose pour moi de très... J'ai identifié à ça. J'étais un fan de Joe Sakic et tout ça. Je suivais ça à mort dans les journaux et tout ça. J'avais les statistiques. Même moi, je suivais ça, fait qu'imagine. Mais voilà, tu vois comment c'était très, très prenant. C'était très présent. Ce qui m'a allumé là-dessus et qui m'a fait prendre la décision de parler de ça, c'est un éditorial d'Albert Ladouceur dans le Journal de Québec. Albert Ladouceur, c'est un chroniqueur sportif de grande réputation depuis plusieurs années, très, très apprécié, très, très respecté dans ce domaine. Mais lorsqu'il se décide à parler d'autre chose de ce qu'il connaît, je questionne un peu la tangente de son propos. On s'entend qu'un éditorialiste, mesdames et messieurs, son travail, c'est d'apporter son éclairage personnel dû à son expérience, ses connaissances, apporter un éclairage sur une situation. Eh bien, écoutez bien, à chaque fois qu'il publie un éditorial, il y a toujours un encart qui est intitulé « Disons que ». C'est comme s'il reprenait quelques petits sujets autour... il y a un sujet principal de son éditorial, et là, il prend quelques petits sujets sur lesquels il s'exprime. C'est tiré de son éditorial du 30 septembre 2011, et ça va comme ceci. « Pathétique d'entendre l'intention de Denis de Belval de demander la destitution du maire Régis Labeaume au moment même où ses amis travaillent à la formation d'un parti municipal » qui se présentera aux élections de 2013. Il a d'ailleurs déjà participé à quelques réunions, en parlant de Denis de Belval. Rien de surprenant là-dedans. Il faudrait que je relise la définition du mot « magouille » dans le dictionnaire. Ce parti s'annonce comme un retour à la vieille façon de faire de la politique en confinant Québec au rôle d'une petite ville. Ce parti comptera tellement de têtes blanches et bleues dans ses rangs que, advenant son élection, il faudrait envisager de déménager la mairie dans une résidence de personnes âgées autonomes. Wow! Ça rock un peu comme accusation. C'est drôle qu'ils disent de tête blanche et bleue, parce que le retour des Nordiques, c'est pas en blanc et bleu. Bon, finalement, sinon... j'imagine que c'est de ça que tu as envie de nous parler, l'opposition, comment on réagit à l'opposition à tout ce schéma-là là, des Nordiques. Eh bien, voilà! C'est un peu, présentement, j'ai l'impression, quand on parle des Nordiques de Québec et de Québécois et tout ça, j'ai comme l'impression qu'on est en train de vivre une renaissance de la religion catholique. Tu comprends-tu? Il y a beaucoup de prêcheurs sur la montagne, il faut croire, puis c'est ça le projet. On va arriver à un paradis, les Nordiques, le retour, notre grande fierté nationale. Enfin, Québec va être une grande ville grâce à Régis Labon et Pierre-Carl Pellado. OK. Puis le fait que ce soit très populaire aussi, c'est comme si on n'osait pas non plus avoir une voix dissidente en disant « Ah, ben là, la population l'endosse, donc... » Oui, c'est très populaire. Mais qui fait passer l'information que c'est populaire? TVA, Journal de Québec, Canoë. Même le Soleil, on dirait quand on lit des articles là-dessus, c'est comme rétracté, veut même pas lui-même faire son, je dirais, son job d'opposition officielle, si tu veux. Donc, tout ce qui est contre ce projet-là, et là, on s'entend que moi, je suis pas contre le retour d'une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec, d'accord? Je suis contre la façon dont ça se fait, je suis contre l'hégémonie de Québécois sur Québec qui menace. Je vous explique. Premièrement, on va faire une petite ligne du temps, si tu permets, Catherine. C'est quoi ça, selon Albert Ladouceur? Je respecte beaucoup son opinion sur les trios du Canadien, mais son opinion sur la mairie de Québec. Je préfère entendre Gilbert Lavoie et Normand Provencher du Soleil, on se comprend. Oui. Donc, M. Ladouceur, avant d'accuser quoi que ce soit, vous qui êtes plus Montréalais que Québec, on va tracer un portrait de ce qui s'est passé à la mairie, d'accord? L'ancienne façon de faire de la politique pour les pro-nordiques, c'est Jean-Paul Lallier. Jean-Paul Lallier qui a refusé, en fait, qui a sacrifié les Nordiques, okay, qui n'a pas aidé assez M. Aubu à l'époque à garder les Nordiques dans un marché qui ne se pouvait plus pantoute pour Québec. Faire de la politique dans l'ancienne façon, comme je disais, c'est Jean-Paul Lallier. Jean-Paul Lallier, alors, les Nordiques ont été vendus le 21 juin 1995. Les gouverneurs de la Ligue nationale appuient tous le transfert des Nordiques vers Denver, sauf le Canadien qui s'est abstenu. Donc, le déménagement est conclu. 21 juin 1995. C'est un choix que Jean-Paul Lallier a fait à ce moment-là de ne pas mettre toutes ses œufs dans le même panier pour sauver une équipe de la Ligue nationale. Avant ça, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer ces années-là depuis 1995. Qu'est-ce qui s'est passé comme émergence d'activités, autant culturelles que sportives, depuis ce temps-là? OK. 99, en fait, 95, à l'automne 95, c'est le premier match du Rouge et Or, dirigé par, entre autres, Jacques Tanguay. D'accord? Le fameux Jacques Tanguay, de qui on dit tant de bien et qui a fait beaucoup pour la ville de Québec. 1997, c'est le retour des Remparts de Québec. La moribonde, en fait, il y avait une équipe d'hockey junior à Beauport qui avait beaucoup de difficultés, est rachetée par Cadrin, Roy et Jacques Tanguay. Déménagé au parti de Beauport, déménagé au PEPS de l'Université Laval, on rachète le nom Remparts et on relance l'équipe, en fait, la concession, voilà, à partir de 1997, après le départ des Nordiques. 1999, c'est l'arrivée des Capitales de Québec, qui sont trois fois champions, d'accord? Ensuite de ça, le Capitole réouvre en 1992, OK? Parce qu'avant ça, il s'était complètement désuet. Le cinéma de Paris était un peu vide. En fait, ça, c'est le cabaret du Capitole. Le Capitole était complètement inoccupé. Ah oui. 92, on le réouvre. Qu'est-ce qui arrive une fois que le Capitole est réouvert et après le départ des Nordiques, c'est l'avènement d'Elvis Story. C'est toutes les grandes revues musicales qu'on a connues, d'accord? Cet été, encore une fois, The Man in Black avec l'hommage à Johnny Cash, ça fonctionne. Il y a eu Night Fever également. Donc, ce type de divertissement-là a émergé depuis le départ des Nordiques. C'est aussi la réouverture et la mise en place de l'Impérial de Québec qui a aussi pris... Ça, c'est les deux théâtres privés de la ville de Québec, d'accord? C'est dans les mêmes moments, l'Impérial aussi? Que ça... C'est un peu plus tard. C'est presque 10 ans plus tard parce qu'il y a eu toutes sortes de tentatives. Mais ça aussi, c'est aussi... L'Impérial s'est remis à fonctionner après la revitalisation de Saint-Roch. Ah, oui. Et la revitalisation de Saint-Roch, c'est qui? C'est Jean-Paul Lallier. Mm. Qui a attiré Binox, CGI, toutes ces boîtes-là qui sont venues s'installer dans Saint-Roch après qu'on ait enlevé le mail? C'est aussi Jean-Paul Lallier. Là, on attribue à Régis Labeaume la réussite du 400e. Je suis désolé, mais tous les grands chantiers, comme la réfection de la rivière Saint-Charles, la baie de Beauport, la promenade Champlain, tout ça a été voté, d'abord préparé, pensé, sous Jean-Paul Lallier. Mais Jean-Paul Lallier n'a pas été, d'ailleurs, affublé d'un nom là, assez positif, du genre le grand bâtisseur de Québec ou quelque chose comme exactement. Ça. Oui, exactement. C'est ça, hein? Exactement. Donc... Parce qu'il voulait rendre Québec attrayante, c'est ça? C'était un de ses buts aussi, pour les Québécois, mais aussi pour le milieu international. Voilà. Moi, là, ce que j'entends présentement, où je vais en venir avec tout ça, mais là, on parle aussi, c'est le Grand Ré qui est arrivé en 2000, après. Hein? Ça, c'est toujours après le départ des Nordiques. Le Festival de musique militaire également est arrivé. Si ma mémoire est bonne, c'est en 2002. Je retrouve mes notes. 98 plutôt. Et les Fêtes de Nouvelle-France également, qui ont fêté leur 15e anniversaire. Ça, c'est post-Nordique. Les Grands Flûtes au Québec, c'est après les Nordiques. À l'époque, en 95, le show le plus populaire du Festival d'été, c'est Éric Lapointe. 2011, c'est Metallica. On n'est pas dans la même ligue. Voilà ce que je questionne. L'ancienne façon de faire de la politique que dénonce M. Ladouceur, c'est pas celle de Jean-Paul Lallier, par hasard, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Québec est cette ville formidable qui veut émerger. Mais qui émerge, en fait. C'est pas une ville, côté économique, c'est pas une ville qui est internationale. Et pourtant, côté culturel, elle a réussi à se hisser à un niveau qui est international, dans le sens où, on le constate, là, c'était pas, rappelez-vous, il y a 15 ans, il y avait pas toutes ces venues, non seulement de tourisme, mais de vedettes. L'intérêt de Québec est arrivé à un niveau international et c'est pas à cause de son économie. Puis ça, pour une ville nord-américaine, c'est toute une réussite. Il y en a pas beaucoup en Amérique du Nord. Comme voilà. Ça. Donc, je ne dis pas que c'est officiellement le départ des Nordiques qui a permis ça. Mais la nature a horreur du vide. Écoute, j'ai d'une famille de forestiers, Catherine. Mes pères, mon père, mon frère, mes oncles sont tous bûcherons. Bon, petite anecdote. J'ai à peu près 15 ans. On est sur la terre à bois de mon oncle. Et là, il détermine qu'est-ce qu'il va faire comme travaux sur sa terre. Et là, il pointe une immense épinette superbe. Il dit, je vais abattre celle-ci. Moi, de poser la question, mais elle est magnifique, pourquoi l'abattre? Il dit, regarde autour. Il y a plein de jeunes arbres qui essaient de pousser et qui ont la difficulté à grandir. Donc, si je l'abats, ils vont profiter de la lumière, ils vont profiter. Les Nordiques, c'est ce gros arbre qui a été abattu. Les petits arbres autour ont poussé. La question que je pose, moi, en tant que collectivité, est-ce que ce ne serait pas risqué, en donnant le monopole, on dit bien le monopole oui. de la gestion de cet amphithéâtre-là à Québec-Or, qui va aussi... Écoutez, si on est déjà envahi par les médias, hein, ce qui est Canoë, ce qui est TVA, ce qui est le Journal de Québec, est-ce qu'on ne va pas justement se faire envahir encore plus? Parce que c'est pas juste la LNH qui s'en vient à Québec, c'est aussi Star Academy. Oui, c'est tout ce qui est de Québécois. Tout ce qui est Québécois, occupation double. Et là, on va-tu en entendre parler encore plus? Il n'y aura pas un danger, justement, que, à cause de l'attention médiatique qui va être monopolisée, de l'argent qui va arriver, surtout du consommateur. Ouais. Du consommateur. Un billet de saison, le moins cher chez le Canadien de Montréal, c'est 1249 $ pour l'année. D'accord? Les capitales, 350 pour 54 parties. Le Rouge et Or, 166 pour 7. 350 chez les Remparts pour 34. Donc, vous avez presque 100 événements sportifs que vous pouvez assister dans une année, dans trois sports différents, pour moins cher qu'un billet de saison de la Ligue nationale. Est-ce qu'on veut sacrifier cette diversité-là, justement, pour revoir cette exceptionnelle équipe de hockey? Alors, c'est ce que je questionne, et ce que je trouve dangereux présentement, pour terminer là-dessus, c'est qu'on joue sur la corde sensible des Québécois. D'accord? J'en ai parlé il y a deux semaines, la série Québec-Montréal, c'est pas... est planté pour rien à la télé. C'est pour mousser cette rivalité-là, c'est jouer sur le complexe d'infériorité qu'on a peut-être ici à Québec face à Montréal. Est-ce que c'est à TVA, ça? C'est à TVA, toujours. Et voilà, et on parle beaucoup, là, il y a beaucoup des messages anti-Amir Kadir, anti-De Belleval. Puis d'ailleurs, même dans les radios droites de Québec, on entend beaucoup, beaucoup de messages. Je ne sais pas quelle entente ils ont, mais à FM 93, je pense qu'ils disent le nom « occupation double » à chaque... À chaque deux minutes, là, il le répète, il parle de l'émission concurrente, en fait, qui se passe au même moment, tout le monde en parle, d'une façon hyper négative, il répète que c'est plate, que c'est plate, que c'est plate. La clé du plateau. Oui, et qu'Occupation double, là, pourtant, puis même des fois, quand ça part à part dans le discours, ils disent « ben, qu'est-ce que tu veux, on était tous en train d'écouter Occupation double à ce moment-là, où il y a personne d'un bord, tout le monde écoute Occupation double, ou des trucs comme ça », je me dis « voyons, ils répètent donc bien, quelle sorte d'entente ils ont », puis tu me disais aussi qu'on parlait beaucoup de ces animateurs-là dans le Journal de Québec. Ben, il y a collusion, je dirais, ouais. J'explique, parce que… Collusion médiatique. Ben, il y a Nicolas Saillant dans le Journal de Québec de lundi, qui a fait un compte-rendu de la Journée bleue, entre autres un événement qui a eu lieu sur la Grande Allée, c'est une partie de hockey de rue, d'accord. Arbitré, si ma mémoire est bonne, par Dave Morissette, qui est maintenant une vedette du réseau TVA Sport. Hein? On l'a oublié, ça aussi, sur le câble. Et là, il y avait Badaboum de présent, le maire Régis Labeaume, Daniel Gélina. Il y avait des anciens joueurs des Nordiques. Et il y avait, entre autres, Jérôme Landry de Choix FM et Dan Pou du FM 93, okay, qui ont joué cette partie-là. Et là, on a donné la parole à ces deux animateurs de radio-là pour montrer qu'ils sont pour le projet. Donc, il y a comme... Pour montrer qu'il y a une grande famille pro-Nordique, pro-Québécois, pour ça, on a tous réuni ce beau monde-là. Ça marche? Et là, évidemment, on a tapé, comme M. Ladouceur le fait, sur M. De Belleval. Et là, le titre de l'article, c'est « Le rêve bien vivant ». Donc, c'est extraordinaire. Tout ce qui nous manque à Québec pour être au paradis, c'est une équipe de hockey. Je trouve ça formidable. Un an après la marche bleue, 60 000 personnes s'étaient rassemblées sur les plaines d'Abraham. Dans l'article. Pour réclamer le retour des Nordiques, la Journée bleue a permis aux fans de hockey de Québec d'alimenter à nouveau le rêve. Je veux juste vous citer l'animateur Jérôme Landry de Choix FM, qui est président de la Nordique Nation, c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui militent pour le retour des Nordiques. Voici ce que M. Landry disait. L'événement qui s'est... Je ne suis pas certain qu'on jouait au hockey dans la rue à Kansas City. C'est démesuré ici, parce que Kansas City s'est dit plus apte à recevoir une équipe de hockey de la Ligue nationale que Québec, d'accord? C'était dans les journaux de la semaine dernière. Jérôme Landry, ça c'est Dan Pou qui disait ça plutôt. Pour Jérôme Landry... président de la Nordique Nation, pour les dinosaures de la ville, ça c'est ce qu'il dit lui, M. Landry, pour les dinosaures de la ville, c'est un message pour Denis Belleval et compagnie qui sont contre le retour d'une équipe. Donc, pour lui, la journée, c'est un message clair de la population, pour les dinosaures de la ville, comme Denis de Belleval, que les gens sont prêts à recevoir les Nordiques. Alors moi, la question que je pose aux gens qui posent des questions sur le retour des Nordiques, sommes-nous tous des dinosaures à ce point-là? Est-ce que Jean-Paul Lallier, dans sa vieille façon de faire la politique, était un dinosaure ou n'était-il pas justement un homme progressiste? Mais je pense que tu as bien fait la démonstration que non. Mais donc, ce que ça montre, tout ce que tu viens de dire, c'est que l'opposition n'existe à peu près pas dans le discours public à Québec, puis que quand elle existe, elle se fait tout de suite matraquer, en fait. Puis donc là, traiter de dinosaures avant même qu'on ait... En fait, on n'a pas prouvé ça. Comme tu viens de le dire, c'est pas des dinosaures, au contraire. Mais l'opposition est tellement matraquée par les médias que finalement, on leur fait d'avance une mauvaise image pour être sûr que personne ne prenne sur lui de s'opposer à ça. Mais ça serait sain qu'il y ait une opposition, pas nécessairement parce qu'on est contre, mais pour qu'il y ait un débat intelligent. Je suis convaincu, parce que toute chose dans la nature a son contraire. Il y a une opposition à Québec. Par contre, ce qu'elle n'a pas, c'est des tribunes. Alors, par exemple, on parlait de Jacques Tanguay tout à l'heure, hein, des Abelement Tanguay qui possède l'Océanique de Rimouski, qui a beaucoup travaillé pour le Rouge et Or, les remparts. On a vraiment... on respecte beaucoup Jacques Tanguay. Il a fait beaucoup pour la ville de Québec. Lui qui est propriétaire des remparts, entre autres avec M. Cadrin et Patrick Roy. C'est quoi leur opinion, eux, sur cette entente-là avec Québécois? Ils sont très peu sortis dans les journaux, on n'a pas eu beaucoup. Moi, je pense que ce sont des hommes intelligents. Je pense qu'il y a d'après moi, il y a quelque chose qui se prépare derrière. Il y a sûrement une résistance. Et d'ailleurs, là-dessus, qu'est-ce qui me fait douter de ça? C'est que au mois de février dernier, j'ai fouillé sur Internet. Et au mois de février dernier, il y a une dépêche qui est sortie sur Cyberpresse. Et là, on ne parle pas de Canoë, on parle de Cyberpresse, donc Le Soleil. Jessica, Paul Desmarais. C'est PowerCorp, OK? Donc, au mois de février dernier, il y a une nouvelle qui est sortie, comme quoi André Desmarais s'associe à part égale avec le groupe des remparts. Alors, André Desmarais, c'est le président de PowerCorp, le fils de Paul Desmarais, l'héritier, si on veut, de tout l'Empire. PowerCorp, qui est entre autres propriétaire du Soleil, la presse, etc. Donc, moi, je me demande, c'est quoi l'avantage pour ces trois hommes-là qui sont prospères, dont la machine va très, très bien. Les remparts, c'est une des concessions juniors au Québec et même au Canada qui est le plus prospère. C'est quoi leur avantage de s'associer avec André Desmarais? C'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse. André Desmarais, qui, selon ce que tu nous dis, en fait, ses intérêts devraient être à l'inverse de ceux de Québécois, non? Absolument, puisqu'il est président de PowerCorp, c'est le grand PowerCorp, qui est entre autres impliqué avec Bell pour ce qui est du Canadien de Montréal. Alors voilà, je questionne. Sur ceux qui pensent que toute la ville de Québec est pro-nordique, pro-québécois, pro-amphithéâtre, pro-projet de loi 204, je pense que non. Et mesdames et messieurs, avec toutes les informations qu'on a données depuis quelques instants, je vous invite peut-être à réfléchir là-dessus. Maintenant, êtes-vous toujours pro? Est-ce que vous êtes prêt à risquer toute cette évolution-là qu'il y a eu dans la ville de Québec depuis le départ des Nordiques? Ce n'est pas une relation directe, mais le monopole va débarquer. Est-ce que ça ne serait pas risqué justement pour cette belle diversité, ce qui a fait en sorte que notre ville a éclos? Est-ce qu'on ne serait pas en train de risquer toute cette belle réussite-là pour une simple équipe de hockey? Est-ce que tu me permets de faire le lien avec Wall Street? Vas-y, Catherine, je t'écoute. J'ai assez parlé, j'ai soif. Alors, justement, on parle, dans le fond, de la vie sociale à Québec, de sa vie politique qui est intimement liée, n'est-ce pas, avec les entreprises comme Québécois, comme Power Corp. Ça fait intimement partie de nos vies. On s'en rend pas toujours compte. Mais il y en a beaucoup qui s'opposent à ça et qui ont décidé que ça avait trop... toucher leur vie de façon négative, cette présence du capitalisme, comme ils l'appellent, comme on peut encore l'appeler aujourd'hui, dans leur vie. Alors, il y a un mouvement qui existe depuis 2-3 semaines, ça s'appelle Occupy Wall Street. Alors, depuis des mois, on a vu à la télé, on voit passer dans les journaux les manifestations en Grèce, en Italie, en Espagne. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre l'austérité financière, en fait, qui a été rendue nécessaire par la crise économique et par la position financière de ces pays européens-là en difficulté. Et... il est en train de se passer la même chose aux États-Unis. Ça a finalement atteint l'Amérique du Nord. Il y a énormément de gens de tous les milieux, puis des gens très éduqués qui ont des doctorats, des maîtrises, qui sont des avocats. Il y a des syndicats de métiers assez réputés, si on veut, qui se sont joints à la cause. Ça s'appelle Occupy Wall Street. C'est une mobilisation. C'est pas une manifestation, c'est une occupation. qui se dit anticapitaliste, qui rassemble des milliers de personnes chaque jour devant la bourse de New York à l'extrême sud de Manhattan, donc au centre de l'activité financière du monde. Et c'est dans un parc, ça dure depuis 2-3 semaines. Comme je vous ai dit, ça a été inspiré des indignés européens, donc ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Espagne, et aussi des révoltes arabes, parce que ça vient d'un groupe de jeunes sur les réseaux sociaux. Ça a commencé suite à l'appel d'un magazine anticonsumériste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Adbusters, qui disait on se plaint, on regarde des documentaires où on voit ce que la crise économique a fait non seulement à notre économie, ça on le sait, on en entend parler tous les jours, mais à notre société, politiquement, l'influence des banques, l'influence des forces financières sur la politique qui devrait venir des citoyens, qui devrait venir des gens, mais qui ne vient plus d'eux et qui vient plutôt du haut, qui vient des cercles d'influence financière. Donc, ils ont répondu à l'appel lancé par Adbusters et un groupe de gens a commencé l'occupation de Wall Street. Alors, il y a eu, ça, on n'en parlait pas beaucoup dans les médias, pourtant il y avait plusieurs milliers de personnes, et tout à coup, samedi dernier, 700 personnes ont été arrêtées parce qu'ils ont bloqué le pont de Brooklyn, donc c'est vraiment pas n'importe quoi. C'est déjà arrivé au Québec pendant une crise qui s'appelle la crise d'Oka, ben là, imaginez 700 arrestations. Alors là, Internet est rempli de vidéos qui montrent de la brutalité policière, vous avez des exemples à l'infini, puis tout ça se réseaute, les gens se passent ça sur les réseaux sociaux, puis ça monte, et finalement, les médias plus établis n'ont pas eu d'autre choix que de se pencher sur cette question-là et de finalement commencer à en parler depuis samedi dernier. Qui c'est ces gens-là? Ils se définissent comme un mouvement sans leader, de gens de plusieurs couleurs et de plusieurs orientations politiques. Ils disent « la chose que nous avons en commun est que nous sommes ce 99% qui ne tolère plus la cupidité et la corruption de l'autre 1%. » ils assurent tous ces manifestants-là d'utiliser la tactique du printemps arabe, c'est-à-dire la non-violence, la sécurité des participants et la popularité de la cause commune, en fait, et la justice, la moralité de la cause commune. Ils dénoncent les excès du capitalisme, la corruption. Ils dénoncent les hommes politiques accusés de ne pas représenter les citoyens. Ils accusent les banques d'être à la source des problèmes économiques et des dérives antidémocratiques. Ils accusent la collusion entre les milieux financiers, entre l'argent et le gouvernement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le Québec se situe peut-être dans ce sens-là, dans une mouvance mondiale. Alors, ils ont eu de nombreux appuis. Il y a près de 90 000 fans sur Facebook. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, il y a le site de nouvelles Democracy Now, il y a Adbusters, et maintenant, depuis peu, il y a Al Jazeera en anglais qui relaie tout ce qui se passe. Et ils ont eu des appuis comme celui de Michael Moore, deux ou trois Américains assez connus, Susan Sarandon et d'autres, comme je vous ai dit, des syndicats, des associations américaines. C'est les classiques progressistes américains. En fait, Bruce Springsteen ne devrait pas retarder non plus peut-être à ça. Sûrement, mais là, on a une nouvelle tête qui est très impressionnante, George Soros, qui vient de dire... Alors, George Soros, c'est multimilliardaire américain qui a dit il n'y a pas longtemps, en fait, « Nous, les multimilliardaires, sommes trop riches. Taxez-nous, ça n'a pas de bon sens que nous soyons exemptés de taxes. Les gens qui travaillent pour moi et qui gagnent, je sais pas, 60 000 $, 90 000 $ par année, paient plus de taxes en pourcentage que moi, ce n'est pas normal. » Parce qu'ils ont beaucoup à perdre de l'effondrement du marché, eux, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Si ça s'effondre, ils sont plus riches. Ouais, mais comme on a vu pendant la crise économique, quand on connaît bien, eux autres, c'est des ingénieurs économiques, ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment faire de l'argent d'une chute des bourses. Alors, c'est comme si, finalement, on se retrouve un peu toujours face à eux, ils sont toujours en train de gagner, puis on l'a vu, beaucoup, on les a sauvés avec l'argent public, et ils se sont donné des bonus, et ça a été donc... mais là, lui, George Soros, en fait, je pense qu'il est tellement riche qu'il en est venu à un point où il n'y a plus cette maladie-là d'amasser de l'argent, peut-être. Ou en tout cas, c'est un philanthrope, il aime se décrire comme ça. Il a pris position, il a dit qu'il pouvait très bien comprendre ces gens-là. Il a dit « Je comprends leur réaction, franchement. J'ai de la sympathie pour leurs opinions. » Puis il y a de plus en plus de... Puis là, lui, c'est pas n'importe qui, là. En fait, il connaît tout de la finance, de ce qui est en train de se passer à l'international. Il y a de plus en plus de gens avec avec une intégrité, disons, et une notoriété comme la sienne, qui se prononce en ce moment-là. en se disant sympathique à ce qu'ils sont en train de faire, les gens à Wall Street. Et donc, comme je vous ai dit, le mouvement s'est étendu dans d'autres villes américaines, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco et d'autres, de jour en jour, ça grandit. Et même canadienne, donc Toronto, Vancouver et puis à Montréal aussi. Donc, on va parler bientôt du mouvement Occupons Montréal, la version française de Occupy Montreal, qui répond directement à cette mouvance-là, qui dit nous aussi. On rentre dans ce mouvement-là qui a commencé à New York, qui s'appelait Occupy Wall Street, qui s'est étendu à d'autres villes américaines et qui a fini par s'appeler Occupy Together, et dont Montréal fait partie maintenant, et qui, à partir du 15 octobre, va commencer l'occupation d'un lieu à Montréal pour participer à cette grande manifestation-là anticapitaliste qui est en train de se dérouler dans tout le milieu, dans tout le monde occidental, mais aussi, comme on l'a vu, dans d'autres pays. Hein, il y a une espèce de ras-le-bol mondial qui est en train de s'exprimer. Alors, on va parler à Eric Robertson, qui est l'un des organisateurs de la version montréalaise de ce mouvement-là. Alors, eux disent bon qu'ils en ont contre les gouvernements qui ne sont plus en mesure de représenter les citoyens légitimement. Parce que je pense qu'on peut vraiment avoir cette impression-là, nous aussi. On a une impression que les citoyens ont perdu le pouvoir, que les dirigeants ne rendent pas de compte, qu'ils s'en foutent un peu des pétitions. Serait-ce ici que par cette fameuse enquête publique sur la collusion dans la construction, Jean Charest et tout. Là, exactement, c'est l'illustration parfaite. Puis je trouve ça extrêmement intéressant de dire, ah tiens, c'est un peu comme dans les années 60, la Révolution tranquille, qui est en même temps que le grand mouvement pour les droits civils, que la décolonisation. On n'est jamais coupé du monde. C'est jamais un truc local. Il y a quelque chose qui... Il y a une mouvance, là. Oui, il y a une mouvance. Il y a une mouvance de ras-le-bol qui ne sait pas encore comment s'exprimer, puis qui, tout à coup, trouve des petits créneaux où prendre la place. Et j'ai l'impression que ça risque de grossir. Puis donc, ce contre quoi va manifester Occupons Montréal, c'est à la fois très québécois. Donc, comme tu dis, l'espèce de non-écoute totale du gouvernement par rapport à sa population. Puis ce qui est en train de se passer au niveau mondial, qui est un peu la même chose, mais en plus gros. C'est drôle, Catherine, je serais curieux de savoir, tu parlais d'historique tout à l'heure, de faire une ligne du temps, mettons des trois derniers siècles ou des deux derniers siècles, à savoir à quelle fréquence, justement, ces mouvements-là, ces vagues mondiales ont bougé, et ça l'a apporté des mouvements pour relancer un peu la démocratie, l'équilibre mondial. Je serais curieux de voir, mettons, depuis le début du 19e siècle, par exemple. Ça serait en effet très intéressant de voir ça, oui. Peut-être la semaine prochaine, tiens donc, on va faire un petit exercice là-dessus, relever les... Très bien. Alors, poursuis, Catherine, s'il te plaît. Alors voilà, c'est ça. On peut passer à la pause. Après la pause, on va parler avec, comme je vous dis, Eric Robertson, qui va nous expliquer un peu comment ça a parti à Montréal. Puis, en fait, eux, c'est quoi leur visée là-dedans? Contre quoi exactement? Qu'est-ce qui les motive à faire ça? Puis à quoi ça va ressembler? Puis est-ce que ça pourrait peut-être arriver à Québec? Moi, ça ne m'étonnerait pas, parce que déjà, il y a d'autres villes plus petites comme Ottawa qui ont des organisateurs et qui ont envie de... Puis il y a plein de manifestations en ce moment. Là. Comme je te disais tantôt, on va manifester contre les positions de Jean Charest bientôt, mais à la minute où on se rend compte que tout ça fait partie d'une attitude des gouvernements qui est mondialisée, il peut y avoir des liens entre les mouvements militants assez intéressants. Alors, on va prendre une petite pause de notre côté, une petite gorgée d'eau, n'est-ce pas? Et merci beaucoup de votre attention, mesdames et messieurs. Vous êtes à la fausse patte pour ceux qui viennent de se joindre à nous, à CKRL. On a parlé entre autres de la marche bleue tout à l'heure et c'est Occupying, tu prononces comment? Occupying Montreal, c'est ça? C'est Occupons Montréal, / Occupy Montreal. C'est la version québécoise, en tout cas montréalaise du mouvement. En entrevue avec le leader en retour de la pause. Et pour l'instant, on y va avec... À la fausse patte, on essaie toujours d'avoir des chansons un peu thème de ce qui se passe. C'est les rappeurs de Localocast qui nous disent qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du trademark. Groove grave de l'album Amour oral. À CKRL 89.1 sur la fausse patte. Urgence d'agir, car tout vide qui prend toute la place. Sur le fil, ce qui me soutient c'est vite sans plus fil, est inutile. Big et din dan comme Zinedine Zidane. Je prends la beauté d'un acte de terroriste. Pensez est un acte laïque, un acte héroïque. Devant la beauté d'un acte historique. Pensez est un acte en attente, assez bon les plus la panique. Nous fait manique qui mille. Depuis les mal comme les Américains. La terre en osé d'un pour Nietzsche. Dominer la peur comme la manique, c'est elle. Salut, salut, ceux qui s'allument, s'allument. Ceux qui s'unissent, s'animent. Ceux qui s'inonument, ceux qui s'allient en lien, s'allient à l'énigme. Ceux qui s'éloignent, tu vides, s'allient les signes. Salut, salut, ceux qui s'allument, s'allument. Ceux qui s'unissent, s'animent. Ceux qui s'inonument, ceux qui s'allient en lien, s'allient à l'énigme. Ceux qui s'éloignent, tu vides, s'allient les signes. La pime prend sous mon pied que t'aimes, tram, oh ouais. Dugudindan, dugudindan, dan, comme zindindindan. Quand je rime, j'rame sur la pime qui prend. Thank you. vous a été présenté par Le Cercle. Spectacle, restaurant et bar à vin. Le Cercle, un carrefour d'expériences actuelles et de vie culturelle à Québec. Depuis 3 ans. 228 Saint-Joseph-Est. 88-988-8648. Le trait d'union cercle.ca. Le mercredi 5 octobre, l'Ampli vous invite à prendre l'apéro à l'occasion d'un 5 à 7 pour le dévoilement de sa programmation et la présentation des candidats 2011-2012 du volet pro. Une belle occasion pour souligner la vitalité des artistes de la relève de la capitale, consulter la programmation et voir des prestations des artistes sélectionnés au volet pro. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Le plan Nord du gouvernement Charest, le chantier d'une génération. Et après, que restera-t-il de ce chantier quand nos ressources auront été exploitées? Quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Demandons dès aujourd'hui de réelles mesures de conservation pour mettre à l'abri des industries au moins 50% du Nord. Dites-le à M. Charest. Visitez neperdonspaslenord.org. Ce message vous a été présenté par Nature Québec et la SNAP Québec. Le 20 octobre, dès 20h, passez une soirée en compagnie de Larry Carlton Trio à l'Impérial de Québec et découvrez l'élégance mise en musique. Larry Carlton, c'est 4 Grammy Awards et 19 nominations, plus de 20 albums solo et 3000 participations comme session man auprès de Johnny Mitchell, Billy Joel et Quincy Jones. Larry Carlton est l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du jazz et du blues. Pour son trio, il est accompagné de son fils Travis à la basse et de Jane Coy à la batterie. Spectacle en admission assise avec siège réservé au coût de $59.50. Réservez vos places au 88-523-3131. C'est KRL 89.1. Cultive tes goûts. On est de retour en studio avec Catherine Dorion. Alors Catherine, on est à l'autre bout du fil avec Eric Robertson, qui est l'un des instigateurs, ou en fait l'un des organisateurs, parmi beaucoup d'autres, m'a-t-il dit, du mouvement Occupons Montréal, qui est la version montréalaise de tout ce que je vous ai raconté tantôt, qui est parti de Occupy Wall Street. Alors bonjour Eric. Alors Eric, t'es avec nous? Pardon Eric? Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, on est en onde. Excusez-moi, un petit problème technique pour l'instant. Alors Catherine? Oui, oui, bonjour Eric. Allô? Ça va bien? Bien, toi? Alors, j'aimerais savoir, donc tu m'expliquais au téléphone que c'est... donc, tu n'es pas le seul instigateur du mouvement à Montréal, n'est-ce pas? Non, je suis juste le nom attaché à un groupe Facebook qui est en fait la deuxième page qui a été créée et que, en fait, on a 1200 personnes qui sont, qu'on pourrait considérer organisateurs, porte-parole et ainsi de suite. En ce moment, on n'a pas de... aucun leader, aucun maître. C'est okay. Une démocratie directe et tout le monde a le même mot à dire. Mais est-ce que je me trompe si je dis que tu étais parmi les premiers à vouloir prendre ça en main ou à vouloir... Non, parmi plusieurs premiers, dans le fond, oui. OK. Et comment ça a parti, en fait? Par exemple, toi, personnellement, comment tu as décidé de t'impliquer dans cette chose-là? Ben, écoute, j'ai suivi Wall Street depuis le jour 1 avec beaucoup de passion. Je t'avoue que le premier jour, j'avais beaucoup de doutes qu'il allait durer toute la nuit, pas par manque de volonté ou de bonnes intentions, mais je m'attendais à une réponse assez solide du NYPD. Mais, qui est la police new-yorkaise. Oui, voilà. Mais petit train, voilà, va loin. Écoute, ils ont montré qu'ils étaient là pour rester, qu'ils étaient très sérieux, que c'était pas, contrairement à Fox News et compagnie, que c'était pas des petits pis qui ont rien eu à faire, qui veulent pas travailler, et ainsi de suite. Que ce sont des gens... Tu dis contrairement à Fox News, excuse-moi, parce que c'est ils ont essayé de les affubler de ces noms-là et de les montrer un peu comme des petits gauchistes pauvres. Ben, si je peux te donner un bon exemple, là, 3 jours, Ann Coulter a dit à Fox News que les occupants de Wall Street se comparaient à la montée du nazisme en Allemagne. Et ces mots. Mon Dieu, Ann Coulter, qu'on connaît pour ses visions extrêmement de droite aux États-Unis. Oui, mais je m'ennuie du temps où sa mâchoire était cassée et elle ne pouvait pas parler plus vite. Le nazisme, wow! Oh. Non, c'est wow. Mais sa vision est tellement extrémiste que ça en est parfois assez drôle de l'entendre. Eh bien, c'est ça. Et donc, donc, depuis le premier jour, tu t'es intéressé à ce qui se passait à Wall Street. Qu'est-ce oui, qui... voilà. Puis bon, en gros, une semaine après que Wall Street ait commencé, c'était clair qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus gros qui se préparait là. Puis en quelques jours, ça a passé d'une centaine à New York à des milliers à New York qui ont déclenché ce qui est devenu un mouvement planétaire qui n'existait pas là, quelques semaines, là, moins qu'un mois. On est rendu à un peu plus de 200 villes à travers quatre continents qui sont tous organisés sur les médias sociaux, malgré le blackout total médiatique. Et il faut dire qu'on utilise des termes comme révolution globale, ça sonne peut-être très gros et exagéré, mais dans deux semaines, vous en jugerez par vous-même. Oui, donc mais, est-ce que ces 200 villes-là, ce sont... donc, ils communiquent ensemble, c'est pas juste par hasard arrivent en ce moment des occupations, des manifestations un peu partout? Ou est-ce... Ben, c'est des gens de tous les milieux, toutes les âges, tous les backgrounds de ces villes-là qui organisent eux-mêmes ces occupations-là. Bien sûr, ces villes-là se contactent entre eux autres pour des conseils, pour apprendre un peu de l'un de l'autre, mais c'est l'organisation en tant que telle est dépendante totalement l'une d'une ville de l'autre. Est-ce que tu vois un lien entre ça et ce qui s'est passé dans le monde arabe? Totalement, oui. Ces personnes-là qui organisent ça, c'est pas des punks, des casseurs, des anarchistes, du monde qui veulent tout casser, c'est du monde qui attendent ce moment-là depuis toute leur vie. C'est du monde qui ont regardé Tahrir Square, la Tunisie, la Syrie, la Grèce, l'Espagne, Israël et j'en passe, et qui ont été inspirés et qui ont eu leur foi en l'humanité restaurée par ces soulèvements-là. Oui, donc, surtout qu'on peut considérer ces soulèvements-là dans le monde arabe comme pour beaucoup des réussites. Fait que j'imagine que ça participe au mouvement de nous aussi on peut le faire, nous aussi on peut réussir quelque chose. Exactement. Ouais. Puis écoute, le printemps arabe a fait place à la. Au début de la Révolution européenne, a fait place à Wall Street et Wall Street fera place à ce qui se prépare pour dans moins de deux semaines en ce moment. Et qu'est-ce qui va se passer à Montréal? À Montréal, l'occupation, ça commence le 15 octobre au Square Victoria. Si vous m'entendez en ce moment, le 15 octobre, vous devez être au Square Victoria avec une tente, tout ce que vous avez besoin pour camper à long terme, amener génératrice, nourriture, vêtements chauds, la famille, les amis, les voisins, collègues, tout le monde que vous connaissez, amener toute la population, ça ne marche pas si on est tout le monde ne vient pas. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, parce que tu me disais que c'était pas une simple manifestation le 15 octobre, c'est ça? C'est pas une simple manifestation? Non, je pense qu'on a prouvé maintes fois dans le passé que marcher dans les rues avec des pancartes, ça peut être bruyant, mais après ça, on retourne tous chez nous, puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change. C'est un peu comme avec les pétitions, si on veut. Oui, voilà, ou voter 4 ans pour quelqu'un qui prétend nous représenter. Mais ce qu'on propose, c'est à toute la population de se joindre à nous et faire comme qui se passe toutes les villes que j'ai mentionnées, tous les pays que j'ai mentionnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se rencontrent et dialoguent entre eux autres comme ils l'ont jamais fait dans les rues, qui s'éduquent, qui s'apprennent ce qui se passe, qui partagent, qui s'organisent entre eux autres pour différentes actions, quoi faire pour essayer de faire quelque chose. Puis voilà le mouvement, si je peux me permettre d'y appliquer une étiquette quelconque. On n'arrive pas avec une seule demande ou avec une proposition d'une solution unique. Ce qu'on dit, c'est « Hey, tout le monde... » On se rejoint ensemble, on se parle, on va arrêter de se faire nier par moins qu'un pour cent de notre population, puis on va décider à nous, les 99% et plus, qu'est-ce qu'on veut de notre futur, de nos politiques, notre environnement, notre système de santé, d'éducation, de nos vies, de futur de notre planète. Hein. Donc, c'est ça qui rallierait les gens qui vont être là le 15 octobre. Mais c'est qui ce 1%-là ici au Québec? C'est qui ou au Canada? C'est qui contre qui ou quoi, localement, nous, on va faire partie de cette mouvance-là internationale que tu nous décris? C'est 1%-là, c'est les Desmarais, les Power Corporation, les Québécois, les Jean Charest, les Warren Buffett, etc., sur une échelle plus internationale, les Rockefeller, les Rothschild, etc. C'est le système en tant que tel qui nous permet pas d'avoir une voix qui a fait en sorte que cette révolution-là est inévitable et absolument nécessaire. Ce moins de 1%-là, c'est l'oligarchie qui nous gouverne depuis des siècles. Je veux dire, on n'est pas naïf, on n'est pas ignorant, on est conscient que c'est de même depuis toujours, ce qu'on vous dit, c'est justement le temps est venu. Ça fait assez longtemps qu'on est dû pour ça. Là. Est-ce que c'est pas un peu aussi d'assumer que finalement, peut-être qu'on vit pas en démocratie? Pas du tout, non. Je sais pas si vous avez voté pour personnellement pour une quelconque guerre ou corruption ou censure médiatique ou déforestation ou... Finalement, excuse-moi Eric de te couper dans ton élan. Finalement, si je peux résumer, moi, de ce que je comprends, moi, c'est la première fois que je découvre votre mouvement, que j'en entends parler, grâce à Catherine. Si je comprends bien, c'est vraiment une remise en question de tout ce système qui nous régit depuis tellement longtemps, c'est-à-dire tout ce qui est et les valeurs, donc la possession de biens, l'enrichissement, l'hégémonie du fric, finalement, là, comme quoi c'était, il faut... moi, depuis toujours, on me dit des REER, achète une maison, tu possèdes quelque chose, une maison, donc t'es mieux d'avoir... C'est comme un placement. Donc, c'est toute cette mentalité-là que vous questionnez, c'est bien ça? Exactement. Bon, et vous proposez ça de remplacer ça par quoi? Ben justement, excellente question, merci beaucoup. On ne propose pas de remplacer X par Y. Ce qu'on dit, c'est tout le monde, on va commencer à se parler une bonne fois pour toutes, on va arrêter d'être passifs, puis on va déterminer tous ensemble par consensus et démocratie participative ce qui doit être fait, ce qu'on doit créer, ce qu'on doit changer. Il n'y a pas personne de nous qui a la solution ultime ou qui peut vous dire okay, on va faire ça là, puis la planète va bien aller. Il n'y a pas de formule magique finalement. Non, c'est ça. Non, puis écoutez, depuis que je suis petit, que je me fais dire que ma génération va devoir réparer le monde, c'est là que ça se passe. C'est pas nous autres, c'est quand. C'est pas nous autres, c'est quand. Ouais. Puis c'est pas juste notre génération, là. C'est pas juste une génération de réparer toutes les erreurs du passé, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup trop, mais... Mais qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent, par exemple, ceux qui sont vraiment cyniques et puis qui, face à toutes sortes de manifestations du genre, disent « ça donnera rien encore, il n'y a rien à faire... » Je dirais que c'est exactement l'attitude qui nous a permis d'arriver à cette situation-là. Ah oui, c'est l'attitude qui nous a permis de se revirer de bord? Non, cette situation-là, tu veux dire, je comprends, de rendre la situation aussi... catastrophique, si on veut. Voilà. OK. Et puis, qu'est-ce qui pourrait arriver, finalement, au bout du compte? Est-ce que, toi, tu imagines quelque chose dans deux semaines, dans un mois, dans six mois, dans deux ans, en lien avec ce mouvement-là qui va atteindre Montréal, là, peut-être Québec plus tard, puis qui est international? Qu'est-ce que tu imagines qui pourrait... De quoi tu rêves par rapport à ça? Excellente question. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Écoute, ce que je veux voir, c'est, en premier, c'est voir ici débuter ce qui est en train de passer partout, c'est-à-dire, encore une fois, des gens qui se rencontrent dans la rue et qui parlent, qui échangent comme ils l'ont jamais fait. Sur ce que ça devrait donner, Est-ce que tu imagines quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui se passait dans les places des villes arabes, par exemple? Oui, mais sur une échelle globale et sans précédent, je veux dire, si la population répond à l'appel, je pense qu'on va créer quelque chose qu'aucun de nous peut prédire en ce moment. Ben, je peux me permettre aussi de m'immiscer dans la conversation. Je suis hyper emballé par ce que vous me racontez là, Eric. Puis, écoutez, je pense qu'on ne peut pas être devin. Personne ne peut lire dans les... à moins que vous ayez une boule de cristal. Mais, écoute, on vit dans une société où on fait du fric sur la spéculation. D'accord? On parlait de Wall Street, on parle justement... Moi, je trouve ça épouvantable de dire, je prends une chance de dire que ça va être meilleur que ça, et avec ça, je fais du fric. Ben, si on est bâtir une société qui... C'est du pari, en fait. On flippe un 30 sous, puis fâche, gagne, pile, je perds. Alors, je pense que c'est une autre bonne façon aussi de... C'est un immense pari qui est en train de se prendre. Il faut sauter dans le vide, il faut... C'est une profession de foi qu'il faut faire en tant que génération, je pense. Et qu'est-ce qu'on va... Moi, ce que j'aime entendre de votre bouche, Éric, présentement, c'est que notre génération est en train de décider la marque qu'elle va laisser dans l'histoire. Voilà, dans 100 ans, 200 ans, la génération là, du 21e siècle, celle qui est née à la fin du 20e, qui a connu le bug, là, la génération de l'après-bug, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, de son monde? Parce que, entre autres, ça me fait penser à une citation de Saint-Exupéry qui disait... l'homme ne reçoit pas la terre en héritage de ses ancêtres, il l'emprunte à ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour laisser un monde meilleur à nos enfants? C'est ça qu'on est en train de décider, là. On est en train de le faire, et là ça émerge, là. Donc, c'est une excellente solution. Moi, Éric, j'ai une question au niveau pratico-pratique. Là, on débarque, mettons, le 15 octobre, là. C'est l'automne, il peut pleuvoir, il peut faire froid, OK, on pallie à tout ça, mais qu'est-ce qui va animer cette journée-là? Est-ce qu'il va y avoir des tables rondes, des débats, des séances de théâtre forum, je ne sais pas, des spectacles? Qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il une programmation à votre événement? Excellente question, merci encore. Le 15 octobre, il va arriver ce que vous voulez organiser. On va être dans les milliers qui vont prendre le square. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, qui s'organisent en ce moment dans le sens que vous venez de dire, que ce soit des tables rondes, des spectacles et tout ça. Et quiconque veut contribuer à ça, ben bienvenue dans le groupe. Et vous êtes maintenant un des organisateurs et vos suggestions, votre opinion, ce que vous voulez voir sortir et arriver de ça, ben c'est ce que vous allez y injecter. Donc bring it on. C'est ça. De la saison froide qui approche, encore une fois, le 15 octobre, quand vous allez arriver au Square Victoria, ce serait bon d'amener une tente, des vêtements chauds, tout ce que vous allez vous permettre de durer là un bon bout de temps malgré les intempéries. Donc, une façon de contribuer, c'est s'il y a des gens qui n'ont pas la propension de peut-être passer du temps sur place, et si vous avez du matériel, par exemple, à prêter, des choses comme Exactement. Ça, s'il y a des entreprises qui veulent des réchauds, voilà. des choses comme ça, donc on peut inviter les gens à débarquer à un soutien matériel. Moi, je vais faire l'avocat du diable, Éric, cet après-midi. On apporte ce qu'on veut, très bien. Moi, j'ai envie que ça brasse. Moi, j'ai envie que le pacifisme, là, ça m'énerve. Moi, je suis pour une rébellion féroce. Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'on prend comme moyen à ce moment-là dans votre manifestation pour ça? Bon, premièrement, on n'est pas à l'abri de rien, c'est ça? Pardon? On n'est pas à l'abri de rien, évidemment, là, c'est ça? On peut pas contrôler qui que ce soit. On peut pas rien faire contre des agents provocateurs à la salle de la police. Ce qu'on peut faire de mieux, je crois, c'est dire, regardez, ce qu'on propose, nous, c'est un rassemblement pacifique, non violent, extrêmement positif et qui va contribuer à notre histoire comme rien d'autre qui est arrivé avant. Il n'y a rien comme ça qui est arrivé avant jusqu'ici. Pour ce qui est des cancers, si tu es une personne comme ça, hypothétiquement, je dirais, viens donc pas. Viens donc pas. Ben, il y a ça, mais violence va être répondue par violence. Le SPVM sait très bien comment répondre à la violence. Et bien que ça défoule sur le coup, je peux comprendre, j'imagine. Ça amènera absolument rien de bon à long terme. Donc, pourquoi pas venir avec un esprit ouvert d'échange, de vouloir créer quelque chose de meilleur pour nous tous. Et garder les roches, les bâtons à la maison, puis amener plutôt votre raison et une tente. Très bonne réponse. Alors, s'il y en a qui ont envie de s'impliquer dans l'organisation de ça avant le 15 octobre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Au niveau groupe, OK, je ne sais pas si je peux donner nos adresses sur Internet. Bien sûr. Excellent. OK, notre site, c'est le occupymontréal.tk, occupymontréal.tk. Ou sinon, plus simplement aussi, vous pouvez nous joindre sur Facebook. Notre groupe, c'est Occupons Montréal, Occupons Montréal. L'adresse, c'est facebook.com/groups/Occupons Montréal, tous ensemble. Et sur Twitter, nous sommes Occup Montréal, O-C-C-U-P Montréal. Et vous pouvez voir tous nos comptes rendus de nos assemblées. Vous pouvez télécharger des affiches, des flyers à vous pouvez vous joindre au forum où n'importe qui peut contribuer à la discussion, à l'organisation ou à la création du sous-comité, à l'organisation de tout ce qui est donation, etc. On a un chat aussi. Et dès le 15, on va être streamé en vidéo en direct sur Internet 24h sur 24 durant toute l'occupation, comme les 200 villes à travers le monde. Donc, j'imagine qu'on peut aller fouiller sur Internet en googlant ça et puis se retrouver assez bien. En fait, comme ça, c'est facile de le faire pour New York et d'autres villes américaines déjà. Et voilà, occupymontréal.tk, et c'est le point de départ. Bon, je crois que ça clôt notre entrevue. Alors, merci beaucoup, Éric Robertson, qui organise, qui est avec au-dessus de 1200 membres, organisateurs du mouvement Occupons Montréal, qui est la version montréalaise, en fait, d'un mouvement beaucoup plus large qui réunit, nous a-t-il dit, 200 villes dans le monde, qui s'inspire des révoltes arabes, communique par les réseaux sociaux et tout ça, et des indignés européens qui, eux, en sont déjà à des plusieurs mois d'occupation et de manifestation en Europe contre tout ce qui est en train de se passer au niveau financier et, par le fait même, politique dans le monde occidental. Alors, merci beaucoup, Éric. Merci à vous du fond du cœur. Et tout le monde, 15 octobre, Square Victoria, amenez tout ce que vous pouvez. L'appel est lancé. Excellent. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Apparemment. Bon. Intéressant, Catherine. Nous, qu'on disait, il faut se battre qu'on cherchait des gens en mode solution. Je pense que là, on en a trouvé un. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un contrepoids puis qu'il y a un cynisme qui répond au cynisme. En fait, c'est comme si on était écœuré d'être écœuré, puis qu'il ne pouvait pas, à la longue, ne rien se passer. Mais la double négation apporte toujours en mathématiques un positif. Oui, fait qu'on ne peut pas rester éternellement dans ce... Je veux dire, c'est comme la grande noirceur de Duplessis. C'était bien, bien plate. Le monde vivait des vies normales pendant ce temps-là. Et c'était peut-être un peu comme aujourd'hui. Je veux dire, le milieu politique était corrompu, était pas au service des citoyens. C'est ce qu'on appelait une noirceur. Mais je pense qu'on vit dans une époque où on se sent un peu dans une certaine noirceur, puis que ça peut pas être toujours comme ça. À un moment donné, il nous vient des écœurites. Très bien. Alors, ça conclut cette première heure de La Fausse Patte, mesdames et messieurs. On vous rappelle que vous pouvez suivre Occupation Montréal sur les internets, si je peux me permettre. Alors, même chose pour La Fausse Patte. Vous allez sur Facebook, vous pouvez faire partie de notre groupe de discussion, parce que La Fausse Patte, c'est d'abord un groupe de discussion politique. Vous avez des articles, ils sont postés là-dessus, des articles, des vidéos, toutes sortes de choses qui le but de faire passer de l'information et surtout de brasser la soupe. Hein, Vous pourriez même aussi en profiter pour proposer des sujets pour l'émission. Si vous en avez, vous êtes les bienvenus. Excellente suggestion, Catherine. On a aussi une page que vous cliquez sur « J'aime » tout simplement, et puis vous joignez, vous avez accès directement à l'information sur l'émission. Et puis... En plus, vous pouvez nous écouter en podcast. Si vous n'avez pas eu le temps, dites-le à vos amis. Effectivement. C'est téléchargeable à partir d'aujourd'hui. J'en ai manqué un petit bout tout à l'heure, mais je vois pas mal toute l'émission. C'est le premier podcast balado-diffusion qui sera disponible sur cette page de La Fausse Patte sur Facebook. Eh bien, écoutez, nous, on prend notre petite pause. On va aller en musique. Après Loco Locas, tout à l'heure, on a entendu Darren Dormir Dehors. Introduction tout désignée pour Occupation Montréal. Et on y va avec celui qui nous a visité en fin de semaine avec son plus récent projet de Last Assassins. C'était dans le cadre d'Envoler Macadam. Jean Leloup, tiré de l'album Le Dôme, le monde est à pleurer. Et tout de suite après, Vilain Pingouin, petite vie, petite misère. Et ensuite... Excuse-moi. Après. Ensuite, on parle des 50 ans de la délégation générale du Québec à Paris avec Louise Beaudoin en entrevue. Donc, restez en ligne. Les humains sont méchants et la terre est cruelle, et la terre est cruelle. Je désire tout de suite prendre le crachoir des Bouddhas, le Bouddha dans un sursaut sans gloire. Pour ma part, ce ne sont ni les guerres ni les famines qui me prennent la tête. Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer, n'est-il pas avant tout la laideur chronique? La laideur chronique. Je pense à cette fille que j'ai vue à Macao, tellement moche et sans talent. À chaque fois qu'elle aimait, son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaillait l'intérieur. Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaillait l'intérieur. L'intérieur. Allez hop. Sincérité. Le monde la pleurait. Ce n'est rien dit alors toujours contradictoire. Je connais des obèses incapables de voir un frigidaire sans frémir d'angoisse, sans frémir d'angoisse. Honteux et des bêtises, ils traînent la nuit dans les salles à manger. Le jour rase des murs, des nuits, des miroirs. les sommaires, les temps que Dieu le verse. Savez-vous l'existence de ces familles devant lui qui passent leur jeunesse à gagner un salaire à peine suffisant pour payer cette maison horrible et cette pelouse affreuse? Et après 20 ans de labeur fou, les enfants les quittent et plus jamais ne les aiment. Et plus jamais ne les aiment. Allez hop, à votre sincérité. Le monde est là pour pleurer. Mais je vois qui encore de scander Manitou, toujours en retard répété. Avant je vois le cortège des artistes ratés qui cherchent le thème à longueur de journée. Et se cassent la tête pour cette pauvre fille qui chantait des ballades. Ah, cette pauvre fille pas trop belle qui chantait des ballades. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Le meeting va bon train, ça défoule, tout va bien. Couleur sous sur l'acné juvénile, les oreilles décollées, le parc, la fontaine, la retraite à 60 ans, l'amour décevant, les toilettes publiques et les rages dedans, les toilettes publiques et les rages dedans. Enfin Dieu et Bouddha et Krishna et Allah, et puis ces deux lèvres font de quoi pessimistes et regardent leur santé, regardent leurs pieds, regardent leurs pieds. Mais Dieu le Père, toujours je viens, serait saisi. Ici messieurs, mon sac un petit cordial, où on me dirait des nouvelles, et le roi là qui distribue les larmes. Bouddha s'illuminait, a lui aussi le sac qui coule à plomb. Manito a du peuple, Shiva du hashish, Allah se retire. Et on vit dans le ciel, Dieu le Père et Bouddha, Manito et Krishna, voix dessus, voix dessous, libre mort et joyeux, chanter à tue-tête au-dessus des nuages. Allez hop, à votre sincérité. Un peu de sincérité. Un peu de sincérité. Allez hop. Un peu de sincérité. Allez hop. Un peu de sincérité. Allez hop. Yeah.

côté CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel. Today's security code is 5-33-41-18. Pour joindre votre animateur en ondes, faites le studio à commercial ckrl.qc.ca ou composez le 640-1586 640-1586. Voilà, mesdames et messieurs, on est de retour CKRL 89.1, l'émission La Fausse Patte, en compagnie de toujours Catherine Dorion. Hein, ma conjointe de micro, Christian Saint-Pierre aux commandes de l'émission. On vous rappelle qu'on vient de parler à M. Robertson d'Occupons Montréal et non d'Occupation Montréal, n'est-ce pas? Ne faisons pas le petit lapsus. Événement le 15 octobre, donc d'occupation du Square Victoria, c'est dans la lignée de ce qui s'est passé à Wall Street, dans les grandes villes américaines en fait, aussi. De ce qui se passe encore là-bas. Qui se passe encore à Wall Street. De jour en jour. Effectivement, donc on vous invite peut-être à aller sur le web, zioter tout ça, savoir ce qui se passe, si vous voulez vous tenir au jus. Même chose, c'est dans la lignée de tout ce qui s'est produit au printemps arabe, dans les grandes villes européennes, également ceux qui sont les pays victimes de la grande crise et de l'austérité de leur gouvernement. Écoute, autre chose dans l'actualité aujourd'hui, notre cher premier ministre est en France présentement. Il a pris le repas avec M. François Villon, le premier ministre français. Et bon, ils ont parlé du plan Nord, etc., et des ententes qui ont été signées. Et on a la chance au Québec de pouvoir d'avoir un statut particulier avec l'Assemblée nationale parisienne à l'Élysée, oui. Le Parlement français. Donc, on va parler à Louise Beaudoin, qui est députée indépendante maintenant à l'Assemblée nationale, qui est très branchée de tout ça, un personnage important Elle a été ministre des Relations internationales du Québec. Oui, tout à fait. C'est très particulier pour une province d'avoir un ministre des Relations internationales, parce qu'on sait que les relations internationales en politique canadienne, ça relève du gouvernement fédéral. Mais le Québec, c'est un peu fait, malgré Ottawa, a décidé d'avoir ses propres diplomates et ses propres relations internationales. Et Louise Beaudoin a eu un très grand rôle à jouer là-dedans. Elle a été ministre des Relations internationales. Elle a aussi été ministre de la Francophonie. Elle a été déléguée du Québec à Paris, donc notre ambassadrice en France. Elle a occupé plusieurs de ces postes-là. Et en fait, aujourd'hui même, on fête les 50 ans de la délégation générale du Québec en France, la délégation à Paris, qui jouit d'un statut diplomatique. Alors, c'est comme si le Québec, aux yeux de la France, était considéré comme un État, comme un pays. Et donc, il lui donne le statut diplomatique, qui est un statut qui confère plusieurs avantages et qui permet d'avoir des liens particuliers avec l'État français que une autre province dans le monde ne pourrait pas avoir. Il faut être un État, normalement, pour avoir ce statut-là. Pour vous faire une petite historique de ça, ce qui est arrivé, donc, cette relation spéciale-là que le Québec avec la France, avec Paris, ça date d'avant ces 50 années-là. Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Devoir, ils ont fait trois chroniques spéciales il y a deux jours, hier et aujourd'hui. Sur ça, ils nous expliquent un peu toute l'histoire. Je ne repasserai pas à travers tout ça, mais quelques petits points intéressants. C'est Charles de Gaulle, en fait, qui a écrit dans ses mémoires des réalités profondes qui font de la Fédération canadienne, je cite ces mots, des réalités profondes qui font de la Fédération canadienne un État perpétuellement mal à l'aise, ambigu et artificiel. Charles de Gaulle a écrit ça, c'est peu après la défaite des Français en Algérie. Donc, il reconnaissait finalement que le colonialisme d'une nation sur une autre, d'une identité ethnique sur une autre, donnait de mauvais résultats. Il le savait d'expérience, finalement, après la guerre d'Algérie. Et il a confié à Jean Lesage, qui était au niveau du Québec, un peu ce que Charles de Gaulle a été au niveau de la France, c'est-à-dire Jean Lesage a été un homme d'État extrêmement important au Québec, qui a changé beaucoup de choses. C'est la Révolution tranquille, c'est en partie lui, où tout ne vient pas de lui. Il a aussi surfé sur un mouvement historique important, qui était tout ce mouvement-là de la décolonisation, de l'affirmation nationale. Et Jean Lesage a réalisé ça au Québec. Donc, excuse-moi, Catherine, juste pour spécifier, si tu permets de t'interrompre, pour spécifier avec les gens également, la décolonisation, on parle aussi de tout ce qui s'est passé. Le Che Guevara, là, c'est ça, là, la libération de Cuba, tout ce qui est les mouvements. L'Afrique qui appartenait à l'Europe, puis qui le jour au lendemain. Le Vietnam. Le Vietnam, c'est l'exemple parfait de se défaire des Français qui étaient là, tout ça, la montée du communisme. Mais là, les Américains ont voulu intervenir justement pour empêcher cette montée du communisme parce que le parti, bon, c'est les Russes qui étaient... On vous expliquera pas la guerre froide aujourd'hui, là, mais donc c'était l'après-guerre mondiale, la guerre froide et tout ça, c'était la décolonisation, c'était un mouvement qui était planétaire. Et c'était toutes les petites nations qui disaient « Moi aussi, j'ai le droit de participer à la mondialisation », qu'on n'appelait pas mondialisation à ce moment-là, mais qui commençait, c'est-à-dire, c'est plus juste, à partir des années 60, ce n'est plus seulement la France, les États-Unis, l'Angleterre, les pays européens qui vont décider de la suite du monde. Toutes les petites nations qui n'ont pas de représentation vont prendre du courage, si on veut, du poil de la bête. Et Charles de Gaulle, justement, à ce moment-là, confie à Jean Lesage, qui n'était pas officiellement souverainiste. Là, Jean Lesage, le souverainisme ne faisait pas encore partie autant qu'aujourd'hui des mouvements politiques au Québec. Mais Charles de Gaulle lui confie sa conviction selon laquelle le Québec deviendra un jour un pays. Alors, on est à cette époque-là. De Gaulle demande à son ministre de la Culture, un écrivain très connu, André Malraux, d'offrir au ministre québécois Georges-Émile Lapalme, un Québécois qui, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire québécoise, vont savoir c'est qui. Charles de Gaulle dit à son ministre de la Culture, donne au Québec le statut qu'il voudra, le statut diplomatique qui, selon moi, lui revient. Alors ça, c'est complètement... révolutionnaire du côté diplomatique à ce moment-là. C'est comme si la France disait « Moi, je m'en fous que le Québec ne soit pas reconnu par le monde comme un pays. Moi, je vais le reconnaître comme un pays. » Ça a donné, ça a beaucoup insufflé aussi d'énergie au mouvement souverainiste, c'est-à-dire que, se disant, on a un immense pays qui est le libérateur de la France. Charles de Gaulle, c'est pas n'importe qui. Voilà, appuie peut-être un Québec qui deviendrait une nation et tout ça. Donc, ça a insufflé énormément de pouvoir. De confiance, en fait. Parce que non, ça, dans la population québécoise, mais en plus, ça va faire qu'il va naître une génération de diplomates québécois, dont Louise Baudouin, à qui on va parler dans pas très longtemps, fait partie. Et puis le Québec va se mettre à signer avec la France toutes sortes d'ententes autonomes sur l'éducation, sur des reconnaissances de diplômes, sur la culture, une série d'espèces de traités, dans le fond. Hein. Normalement, les traités internationaux, c'est juste les États qui font ça. Les pays. Et puis le Québec va le faire avec la France, sans demander son avis, sans se soucier de l'avis d'Ottawa. Il va faire ça totalement de façon autonome en se disant « j'ai pas besoin de l'accord d'Ottawa », ce qui va très souvent créer des frictions avec Ottawa. Mais il y a une doctrine très, très, très importante dans la diplomatie québécoise qui s'appelle la doctrine Gérin-Lajoie, du nom de Paul Gérin-Lajoie, qui est à l'origine de cette doctrine-là. Et Louise Baudouin va nous en parler, en fait, à quel point le Québec est particulier sur la scène internationale, dans ses relations internationales, en tant que province, parce qu'on est juste une partie d'État. Qui d'autre, quelle autre partie d'État peut être reconnue comme ça par un État aussi important que la France? Il n'y en a pas beaucoup. Et comme les compétences canadiennes et québécoises se divisent sur deux paliers, hein, il y a des choses qui reviennent, des décisions qui reviennent au fédéral, d'autres décisions qui reviennent au provincial, ça a toujours été une épine un peu dans le pied de la diplomatie québécoise que le fait que le fédéral puisse signer des ententes avec d'autres pays qui ont trait à des champs de compétences québécoises. C'est ça que Louise Baudouin va nous expliquer avec son intelligence et sa verve habituelle. Donc, et puis après ça, pour terminer là, l'historique un peu de tout ça s'est gâté dans les années 80. La diplomatie québécoise est liée à la France. En fait, la relation France-Québec a commencé à se gâter dans les années 80. En ce moment, c'est difficile pour le Québec d'être présent dans les forums internationaux, même à la francophonie ou à l'UNESCO, où on est si fiers d'avoir des sièges. C'est très difficile d'exprimer une position québécoise qui ne soit pas endossée par le Canada. Donc finalement, souvent, le Québec... a le droit de parole quand il est d'accord avec le Canada. S'il n'est pas d'accord, on lui intime de se fermer pour parler joliment. Alors, on va joindre, essayer de joindre Louise Beaudoin, si possible, Christian, tu... Ben, malheureusement, non. On vous rappelle que Mme Beaudoin a fait vraiment un spécial, elle est en pleine célébration, justement, de ce 50e anniversaire de la délégation à Paris. C'est des festivités, bon, vous... Elle est à Paris en ce moment. À Paris, présentement. Donc, la joindre, elle nous a demandé un petit délai, malheureusement. Ben, malheureusement, c'est compréhensible sur son horaire. Donc, on va pouvoir la joindre dans 2 minutes. Catherine, peut-être cette diplomatie Québec-France, justement, ça s'est représenté comme quoi au cours des années? Je pense qu'il y a l'OFQJ, peut-être, qui est né de cette... Je ne pourrais pas te faire la liste de toutes les ententes qu'il y a eu, mais il y a eu énormément de choses. On entend beaucoup... Il y a beaucoup de Français qui émigrent au Québec en ce moment. Puis on entend beaucoup parler des Français qui disent « Bon, ben le Québec, c'est pratique, c'est plus facile d'émigrer ici. Mon diplôme est reconnu, donc... diplôme par diplôme, la France et le Québec s'entendent, on va se reconnaître mutuellement. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres positions communes. Ben, le Québec a une part très importante dans l'organisation internationale de la francophonie, tout comme la France, bien évidemment. Puis c'est pas juste une organisation culturelle, la francophonie. De plus en plus, c'est en train de devenir un forum international, un pôle de pouvoir, parce que la francophonie, c'est pas seulement une langue, c'est pas seulement une culture de parler français, c'est aussi une collaboration, en fait, si on peut dire, puis c'est aussi une influence politique. On le voit très bien en Afrique, dans les pays où la langue parlée par les gens du pays et le français, la langue commune, ben en fait, ils ont beaucoup plus de liens politiques avec, non seulement culturels, mais politiques aussi avec le reste de la francophonie. Catherine, on peut rejoindre Mme Beaudoin en direct de Paris. Alors, Mme Beaudoin, vous êtes avec nous? Oui. Bonjour, Mme Beaudoin. Bonjour. Vous passez une belle soirée de célébration? Oui, je rentre à l'instant. Alors oui, ça a été une belle soirée, pas trop longue, ce qui est déjà aussi intéressant. Oui, ce qui est rare en France aussi. Oui, c'est ça. Des fois, ça s'éternise, mais pas ce soir. Alors, on apprécie beaucoup, beaucoup votre présence à l'émission. En fait, votre présence par téléphone à l'émission, c'est très apprécié. En fait, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu, parce que vous êtes un peu l'experte dans ce domaine-là, la doctrine Paul Gérin-Lajoie, d'où ça vient, qui c'est, qu'est-ce que c'est exactement Ben, alors voilà, c'est en 1965, Paul Gérin-Lajoie est ministre de l'Éducation et vice-premier ministre du gouvernement du Québec. On est en pleine révolution tranquille et il invente à toute fin pratique une doctrine juridico-politique concernant les relations internationales du Québec. Cette doctrine dit que les compétences internes du Québec, donc en matière d'éducation, de culture, de langue, mais aussi de richesses naturelles, en fait, toutes les compétences constitutionnelles du Québec qui s'exercent sur notre territoire, doivent avoir leur prolongement à l'international. Et c'est comme ça qu'on signe avec cette doctrine-là, grâce à cette doctrine-là, en 1965, les premières ententes de coopération internationale avec la France. Et est-ce que il n'y a pas, je me suis toujours demandé, en relation internationale, normalement, l'État qui signe avec un autre État un traité, une entente, se doit d'être certain qu'il va pouvoir faire appliquer les conséquences de ce traité-là à l'intérieur de ses frontières. Qu'est-ce qui arrive quand un État comme le Canada fait avec d'autres pays des ententes qui ont trait aux compétences du Québec ou des provinces au Canada? Mais c'est parce que dans la Constitution canadienne, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'article de la Constitution canadienne qui traite de cette question-là, c'est-à-dire à qui revient au gouvernement canadien ou au gouvernement québécois la politique étrangère. Donc, c'est pas parce qu'il y a des compétences partagées, comme vous savez, la santé, les richesses naturelles, bon, des compétences exclusives pour le Québec, comme l'éducation, bon. Alors, il n'y a rien sur la politique étrangère. Mais les tribunaux canadiens ont toujours, la Cour suprême, dit déterminer que le gouvernement du Canada avait une responsabilité en ces matières, mais aucun tribunal n'a dit jusqu'à maintenant que le Québec n'avait pas ce prolongement externe de ses compétences internes. Ah, bon. Et est-ce voilà. C'est qu'il y a une espèce de vide juridique, si vous voulez. Mais donc, est-ce que ce vide juridique-là serait pas un peu à l'origine des tensions que la simple existence des relations internationales du Québec dans le monde crée entre Ottawa et Québec? Oui, sûrement, absolument. Alors, chacun dit a sa propre doctrine, le gouvernement canadien, la sienne, puis le gouvernement du Québec, une autre. Et puis jusqu'à maintenant, ben mon Dieu, ça s'est organisé, ça s'est vaincu de cette manière-là. Alors, le Québec a pu signer des ententes. Le problème pour le Québec, c'est de trouver des États signataires. La France a toujours accepté de signer des ententes avec le Québec, mais c'est pas évident que le gouvernement fédéral américain, par exemple, des États-Unis accepterait de signer des ententes en matière d'éducation avec le Québec. Des États américains vont le faire. États américains. Donc, mais pas le gouvernement fédéral américain. Et est-ce que depuis les déclarations de Sarkozy, en fait, depuis l'élection de Sarkozy puis sa position qui était bien connue, c'est quoi en fait la position de Sarkozy puis c'est quoi les conséquences que ça a sur la diplomatie québéco-française? Disons que la position du président Sarkozy, c'est qu'il y avait depuis René Lévesque, quand M. Lévesque est allé en France en 1977, donc le PQ est élu en 1976, M. Lévesque débarque en France en 1977, et là, le président Giscard d'Estaing lui dit que la France ne peut pas être indifférente à ce qui se passe au Québec, et la doctrine française, c'est non-ingérence, non-indifférence. Bon. Et le président Giscard d'Estaing ajoute à ce moment-là, la France accompagnera le Québec, quel que soit son choix politique. Bon, rester à l'intérieur du Canada ou en sortir. Bon, et puis même si on est allé assez loin, comme pendant le référendum de 95, quand Chirac a dit qu'il reconnaîtrait un Québec. Voilà. Alors, bon, tout ça. Et là, le président Sarkozy, lui, quand il est arrivé, il a dit non. Moi, il a dit je ne veux pas de cette doctrine-là et moi je souhaite un Canada uni. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça de la bouche d'un président français. Disons que le général de Gaulle était venu dire vive le Québec libre le 24 juillet 1967 et depuis ce temps-là, donc la France était quand même au niveau de la présidence française sinon sympathique, tout au moins acceptait d'accompagner le Québec, etc. Bon, alors le président Sarkozy a mis fin à ça. Il y a eu une rupture dans ce sens-là, diplomatique, mais c'est sa thèse au président Sarkozy, et puis c'est ça qu'il soutient absolument, qu'il souhaite un Canada uni, puis que, bon, il veut pas de cette doctrine de non-ingérence, non-indifférence. Mais qu'est-ce qui pourrait, avez-vous une idée sur ce qui pourrait avoir motivé ce changement de cap-là? Ah, mon Dieu, ça, c'est compliqué, hein? Il y en a qui vous diront que ce sont ses amitiés, canadiennes, avec la famille des Marais, dont il a toujours été très près, et que... mais en même temps, moi, honnêtement, j'en sais rien. Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises, mais il m'a jamais dit comment il avait été influencé ou par qui. Non, évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on met au grand jour habituellement. Il m'a tout simplement dit, non, c'est comme ça, et puis moi, c'est ce que je pense, et puis bon, alors voilà, c'est ce qu'il applique maintenant. Et est-ce qu'un retour du Parti socialiste pourrait ramener cette ancienne amitié diplomatique, disons, et cet accompagnement qui a toujours été, entre guillemets, promis au Québec de la part de la France? Oui, je pense qu'il pourrait y avoir quand même, ça pourrait bouger. Le Parti socialiste, l'année dernière, exactement à ce moment-ci, j'y suis venue devant le Parti socialiste à Paris, et puis j'ai plaidé justement la cause du Québec, dans le sens qu'il fallait revenir à cette ancienne doctrine, qui était la doctrine traditionnelle de la France, quand même, depuis plusieurs décennies. Et ça a été inscrit dans un communiqué de presse officiel du Parti socialiste, que si le Parti socialiste prenait le pouvoir, ce serait le retour dans cette doctrine. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Je ne le sais pas. Non, c'est toujours... Mais au moins, théoriquement, ça sera inscrit. Alors, ce sera, à ce moment-là... à ceux qui seront au pouvoir à Québec, à la faire appliquer, si je peux dire. Oui, ouais, à y mettre de l'importance, en fait. Oui. Et là, en ce moment, les célébrations, c'est les 50 ans de la création, en fait, de la Délégation générale du Québec en France. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Quelle importance ça a en France? En France, ce ne sera pas médiatiquement très couvert, parce que, le Québec est très populaire en France, très franchement. On le voit par le nombre de jeunes immigrants qui viennent, en fait, et qui désirent s'établir ici. J'y ai vécu aussi en France, et il y a toujours un parti pris pour les Québécois. C'est plus facile que les autres. Depuis peu, pas si longtemps que ça, mais ça explose dans la population. Oui, exactement. Alors, donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Et ce qu'on célèbre, en fait, c'est justement la création de la seule délégation générale du Québec qui a un statut diplomatique, c'est-à-dire qui est une ambassade à toutes fins utiles, alors qu'il y a les mêmes privilèges que l'ambassade du Canada, si l'on peut dire. Et est-ce que les... Oui, que toutes les autres ambassades sur la place de Paris. Ah oui, donc est-ce que... Mais ça, est-ce que le Canada a fini par l'accepter? Est-ce qu'Ottawa s'est dit bon? Oui, OK. Donc, ils ne viennent pas... Ils font pas de pression pour que cette ambassade disparaisse ou non. Ça existe. Non. Très franchement, non. Il y a une espèce de modus vivendi qui s'est établi entre la délégation générale et puis l'ambassade. Et il n'y a pas franchement là de problème de ce côté-là. Il n'y a personne à Ottawa qui réclame la fermeture de la délégation générale du Québec. Et vous remarquerez, M. Charest est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup et souvent en France. Oui, oui, c'est donc vrai. Non, tout à fait. Il en profite de ce statut particulier que le Québec a auprès de la France. Et ce soir, c'était le premier ministre français qui recevait le premier ministre du Québec et puis toute la délégation. En fait, on était 200 là à être reçus, à dîner par le premier ministre français qui voulait souligner les 50 ans de la délégation générale. Ah, ben voilà qui est bien sympathique de la part du premier ministre français. Oui, alors, tout à fait. Peut-être une dernière question avant de terminer. Donc, la doctrine Paul-Gérin-Lajoie qui dit un peu que, dans le fond, le Québec devrait pouvoir signer des ententes internationales dans ses champs de compétences. Oui. Jusqu'à quel point on arrive à la faire appliquer dans les faits? Ben, écoutez, il y a quand même, le Québec a signé beaucoup, beaucoup d'ententes, là, par exemple, en matière de sécurité sociale avec beaucoup de pays. Des ententes en matière d'éducation avec d'autres pays, des ententes en matière de culture. Donc, il doit y en avoir, au moment où on se parle, je dirais 150 de ces ententes avec des pays souverains, puis avec des pays, avec par exemple la Catalogne, qui n'est pas non plus un pays souverain, mais qui a, elle aussi, la Catalogne, a ses aspirations à exister à l'international. La même chose avec la communauté flamande en Belgique, la communauté française. Donc, il y a plusieurs ententes qui sont avec ce qu'on appelle des nations sans État, comme le Québec, la Catalogne, l'Écosse, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont carrément avec des pays. Par exemple, le Québec, avec des pays francophones, je vous entendais parler de francophonie là, juste avant qu'on commence l'entrevue, eh bien, le Québec offre des bourses d'études à des jeunes Libanais, à des jeunes Maliens, à des jeunes Tunisiens, etc. Et ça, c'est des ententes qu'on signe avec le pays, directement. Moi, quand j'étais ministre des Relations internationales, on en signait, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, le pays en question, s'il veut avoir des bourses pour ses étudiants, ben, il faut qu'ils signent ça avec le Québec. Ben il ne peut oui, pas signer ça. Et qu'à Ottawa, il n'y a pas de ministère de l'Éducation c'est à vrai. Ottawa. Puis il n'y a pas d'intérêt non plus à refuser de discuter avec la province. Voilà. Ah bon, voilà. Ben merci beaucoup, Mme Beaudoin. Ça a été très, très, très intéressant et très instructif. Et je vous souhaite une bonne fin de séjour à Paris. Oui, merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Beaudoin. Bonsoir. Au revoir. Donc voilà, Catherine, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était, mesdames et messieurs, Louise Beaudoin, qui est députée indépendante 20 ans de l'Assemblée nationale et qui il y a longtemps été, comment on la nommait à l'époque, déléguée générale du Québec? Elle a été déléguée du Québec à Paris. C'était, en fait, c'est comme si elle était l'ambassadrice. Là. Tu sais, c'est la diplomate principale. On a d'autres délégués dans d'autres villes du monde. Il y en a une, mon oncle Henri Dorion l'a été, a été délégué du Québec à Mexico. Il y en a d'autres. En fait, il y a des délégués dans beaucoup, beaucoup de capitales du monde. La seule différence, c'est qu'à Paris, ce délégué-là est reconnu comme s'il était un ambassadeur. En fait, il est reconnu comme un ambassadeur. Puis comme disait Louise Beaudoin, il a la même importance que les ambassadeurs de toutes les autres nations du monde. Alors, c'est très particulier, puis on l'oublie souvent. On oublie souvent l'importance de ça. C'est pas n'importe quel... C'est, le Québec est unique à ce point de vue-là. Effectivement, et pour souligner l'amitié Québec-France, Catherine, on voyait avec un petit bloc tout à l'heure, en fin de bloc musical, on a entendu aussi la chanson de Tex Lecor, Le Frigidaire, repris par Madame Moustache, dont je suis un fan fini. Et voilà, c'est le groupe Java qui font du rap musette, selon leur propre aveu, qui nous envoie Maudit Français. Vous allez voir, ça célèbre bien l'amitié Québec-France. Et puis, ça va suivre tout de suite après avec notre bon vieux Pépé Grosse Français, sa version de Voici les clés de Gérard Lenormand. Mais pour commencer, Java sur CKRL, La Fausse Patte, c'est parti. <musique> Quand j'ai pris mes quartiers sous Jack dans Nouveau Monde, il faisait déjà moins 6, on était au mois de novembre. Mon pote Daniel m'attendait sur le tarmac. Je lui dis, je suis gelé, il me fait, t'as fumé, t'as bien mec. On va prendre mon char pour rejoindre Montréal. Je me suis mis en compagnie de Bénure derrière un cheval. Puis il me dit, il faudra qu'on s'arrête, on est pas l'air. Je fais, ah bon, t'entends un bruit bizarre dans le moteur. Je lui dis que j'ai la dalle, il me dit, dalle de ciment. Il finit par comprendre, on s'arrête au restaurant. On me fait, ici font les burgers et des guenilles Michigan. Ah, bon, on va faire ça, je prends ce que tu prends. En regardant les frites en son, j'ai fait grise mine. Tu fais, bah quoi, y'a un tchétchène dans ta poutine. Non, c'est très bon, mais c'est un peu écœurant. Il me répond, j'étais sûr que t'allais trouver, ça te fit pas. Nos petits français disent pas tous la même chose. Nos petits français, ça dépend de quel côté on se pose. Nos petits français, c'est pas toujours la même prose. Nos petits français, quand tu jases, moi je cause. Il me présente un pote, il était vert fluo. J'ai vu des ours blancs et des orignaux. On rentre dans un bar, il fait, qu'est-ce que tu veux, y'a le wetter. J'ai pas envie de pisser, appelle plutôt le serveur. On nous sert de bière avec Charlebois sur l'étiquette. J'aurais rêvé d'avoir 15 bourses sur mon anisette. Puis je croise le regard d'une fille à côté. Il me dit, va creuser la blonde, sois pas génie. Je finis par m'accoster, elle me dit, qu'est-ce que tu veux, hostie. Je réponds, je suis pas baptisé, non merci. Je propose de sortir fumer, elle me dit, t'as une smoke. Je suis plutôt jean basket, elle me dit, c'est quoi, c'est une joke. C'est bizarre comme tu jases, fais un mec. Oh, tu sais, moi je suis plutôt dans le rap musette. Nos petits français disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. Nos petits français, c'est pas toujours la même prose. Nos petits français, quand tu jases, moi je cause. Dans la rue, j'ai des élans romantiques. Mais y'avait pas de fleuriste, alors j'ai improvisé. Je ramasse de jolies feuilles d'érable, elle me dit je m'en corlisse. J'aurais préféré un bouquet de fleurs de lys. Viens chez moi, mais je te préviens, j'ai un chum. Bah c'est normal avec ce froid d'attraper un rhume. Arrivé chez elle, elle me dit, tire-toi une bûche, tu capotes. Genre un préservatif, espèce de quétaine, range ton bébé, le salaud. Je comprends pas, c'est pas moi qui ai demandé. C'est donc comme ça que tu m'aimes, tu. C'est plutôt sans capote, on l'a jeté à la rue. Nos petits français disent pas tous la même chose. Nos petits français, ça dépend de quel côté on se pose. Comme un dingue de Québecville jusqu'à la BTB de Miscamingue. J'ai rencontré dans ce pays des résistants qui pratiquent avec finesse de l'engagement. La belle province sur l'amour, et comme dit Richard, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Voici les clés pour le chaos, tu changerais d'avis. À ta folie, je vais tenir mes rêves en chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont du soir. Plus longtemps que...

de riches qui décident de la suite de la politique, ben, il va falloir que les citoyens ordinaires se mobilisent comme ils l'ont fait dans les pays arabes et comme ils sont en train de le faire en Europe. Et là, finalement, ça vient d'arriver en Amérique du Nord. On va suivre ça de près. Alors, si vous êtes intéressé à voir ce qui se passe, plusieurs médias relaient l'information. Allez voir sur Internet Occupy Wall Street. Ça, c'est à Wall Street. Mais Occupy Together, ça, c'est dans toutes les villes. Comme nous le disait notre invité Eric Robertson, dans plus de 200 villes, de 200 villes du monde. Et à partir du 15 octobre, occupons Montréal. Donc, voilà. Oui, et puis au niveau de mobilisation des masses, ici à Québec, c'était pour et tout autre chose. C'est vraiment une opposition, c'est flagrant, c'est frappant de voir comment ça s'oppose, c'est marqué. D'un côté, à Montréal, c'est contre justement ce système monté en oligarchie et en grand contrôle financier des grands empires. Et tandis qu'ici, on manifeste pour se montrer en appui à ce grand empire-là qui est québécois, en fait, Pierre-Carl Péladeau, qui joue sur la sensibilité des Québécois, cette fierté qui a été un peu blessée. Cette fierté de la ville, là, tu parles, de la ville de Québec. La population de la ville de Québec qui, avec le départ des Nordiques, a toujours... moi, depuis que j'ai conscience, ils sont partis, j'étais adolescent, donc depuis que j'ai conscience de tout ça, que je suis devenu adulte, il y a comme un sentiment, un complexe, un complexe d'infériorité des Québécois par rapport aux Montréalais, et on dirait que le secret, c'est le retour d'une équipe de hockey. Et ce qu'on a questionné aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le départ des Nordiques n'a-t-il pas été finalement la chose qui devait se passer pour l'émancipation de la ville de Québec? Parce que depuis qu'ils ont quitté en 95, je vous rappelle, le 21 juin 95, la vente des Nordiques est approuvée par les gouverneurs de la Ligue nationale, sauf le Canadien qui s'est abstenu. Et depuis ce temps-là, tout ce qui fait la fierté de la ville, ou à peu près dans les dernières années, tout ce qui gonfle de fierté et qui propulse vers l'avant ces gens-là, cette population qui réclame en grand cri le retour des Nordiques comme c'est un accomplissement. La ville grandit, on est rendu hot maintenant, surtout depuis le 400e, mais tout ce qui a fait monter le 400e, tout ça est une progression, c'est pas arrivé comme ça, bang, du jour au lendemain. Tout ce qui a permis de progresser vers ça, d'accord, n'est-il pas arrivé, grâce à quelque part, au départ des Nordiques? C'est le questionnement que je pose. Parce que tout ce qui est Capital, Rempart, tous les festivals, le Grand Rire, les Fêtes de Nouvelle-France, les Grands Flûtes au Québec, tout ça, la réfection du Palais Montcalm, l'orchestre, et tout ça. Bon, tout ça est arrivé après les Nordiques. Oui, puis comme tu l'expliquais, le fait que le départ des Nordiques a créé un vide qui a été assez rapidement rempli par toutes sortes de choses. Hein. Ce vide-là a trouvé des occupants et finalement, ça a participé à l'essor de Québec comme ville culturelle, puis aussi à sa vie culturelle elle-même. Là. Exactement. Et là, on revient à l'éditorial de M. Ladouceur de tout à l'heure, qui est un chroniqueur de Montréal, ou je ne sais plus s'il est à Québec ou enfin bref, c'est un spécialiste en sport, et c'est comme si Vincent Marissal ou Gilbert Lavoie se prononçaient sur qui devait gauler pour le Canadien au prochain match. Ben, j'ai beaucoup de respect pour son intelligence, M. Ladouceur, sa culture et tout ça, mais quand ton chèque de paye est signé par Pierre-Carl Péladeau, et là, tu t'en viens dire qu'à Québec, à l'Hôtel de Ville, Denis de Belleval et tout ça qui fondent un parti, et tout ça qui s'opposent à l'entente entre Québécois et à la Ville. Et à la Ville, et non pas à la venue du Nordique, soit dit en passant. Non pas à une équipe de la Ligue nationale, mais à l'entente entre Québécois, la façon dont ça s'est fait, et à l'hégémonie que Québécois va avoir, l'emprise sur la Ville, eh bien, on appelle ça, selon M. Ladouceur, de la politique de dinosaure. C'est-à-dire la politique de dinosaure, ça serait de s'opposer à cette entente-là. C'est ça qui ben, prétend? Exactement, ça serait une façon de, pour ces dinosaures-là, c'est les gens qui sont appelés les dinosaures, de faire de l'ancienne politique. Mais l'ancienne politique ne serait, c'est pas celle justement de Jean-Paul Lallier à qui on doit tous les grands chantiers du 400e. C'est ses idées à lui, c'était votre, ben, à lui, entre autres. C'est lui qui a piloté comme maire ces projets-là. Nommez-les, là, d'accord? Donc, ça serait peut-être pas des accusations à tort et à travers, justement, de la part de cet éditorialiste-là. Donc, mesdames et messieurs, quand vous entendez dire que tout le monde à Québec est pour l'entente avec Québécois, regardez le poste de télé que vous écoutez, regardez le site internet que vous consultez, si c'est TVA, Canoë, ou vous lisez le Journal de Montréal ou de Québec. Informez-vous à qui ça appartient. C'est normal. La vérité réside dans la différence. Allez ailleurs, lisez ailleurs, changez de site, cherchez sur internet. Les opposants, il y en a. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas de tribune. Je parlais de Jacques Tanguy tout à l'heure qui veut pas se montrer opposant à 100%. C'est peut-être parce que justement, c'est sa clientèle qui va au Rempart. C'est celle qui va aller voir les Nordiques. Jacques Tanguy qui est un des propriétaires des Remparts. Des Remparts de Québec, entre autres. Donc, et tout ça est à discuter, tout ça est à réfléchir. Donc, il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui posent des doutes, qui ont peur de voir ce géant-là arriver parce que c'est pas juste les Nordiques, c'est Star Academy aussi. Donc, chercher des renseignements. Ça veut dire que Star Academy va débarquer à Québec? Ben écoutez, quand les Nordiques joueront pas leur saison, parce que c'est même pas sûr que Québécois vont avoir une équipe de hockey. Hein? Ouais, ouais. Alors qu'est-ce qui va arriver? Star Academy, ça va des, devenir... Des spectacles de Star Academy. Exactement, ça va devenir un Vegas Star Academy, si vous voulez mon avis. Alors voilà, ça se conclut notre émission de La Fausse Pas de cette semaine. Catherine, un petit mot pour finir? Ben non, je vous souhaite une belle fin de cette journée ensoleillée qui, pour les dépressifs d'automne, ça doit leur donner un petit coup de pouce, en fait. Moi, ça m'aide beaucoup. Sinon, ben écoutez, procurez-vous une lampe de luminothérapie puis passez à travers. Et voilà, et revenez la semaine prochaine, 15h30, mercredi, pour La Fausse Patte. Toujours disponible sur Facebook, vous pouvez joindre notre groupe ou notre page. Et justement, pour les dépressifs de l'automne, on s'envoie à nouveau pour fêter de l'amitié Québec-France. Claude François, le grand maître du disco français, ça s'intitule « Je vais à Rio ». C'est la chanson joyeuse de la journée. Levez dans le son, vous allez voir, ça fait du bien. Vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontre culturelle branchée, art et musique.